Dans le silence de la nuit claire, Tigone. Venant d'un astre solitaire, une voix s'élève à travers toute la terre, Tigone. Symbole, l'arche sur les épaules, fier gitan debout, c'est l'heure. Allons tous les tigones, jeunes filles, hommes et femmes, unissons-nous. Sans frontières, Tigone. Des magiciens et des sorcières, rois des forêts, passagers des rivières, Tigone. Sont-nous mes frères, créons une patrie.